vu, on fait blanchir la morue ou frire. On la fait tremper bien, puis on la fait frire, on l'enfarine, on la fait frire. Après, on la décortique, on enlève toutes les épines, vous savez, on les feuille, tout. Après, on met un oignon haché, alors de la farine, enfin un roux, avec du vin cuit. Enfin, il faisait du vin cuit, il y en a qui en ont encore du vin cuit. Du vin cuit. C'est du mou, comprenez, quand on faisait le vin soi-même, on récoltait ce mou, puis on faisait du vin comme ça. Autrement, on met du vin rouge, mais là, c'est du vin cuit, c'est meilleur. Et puis, on fait cuire ça, et on remet sa morue dedans, et puis on met des capres. Alors, ça mijote dans cette sauce. C'est très bon. Et puis, les panais. Alors, les panais, on les fait blanchir, on les coupe en long, comme ça, en lamelles, et on les fait frire, et on mange ça frit. Ça, c'est le souper de Noël, du soir, avant la messe de minuit. Oui. Maigre. Vous voyez ? Il y a autre chose que ça au souper d'après la messe ? Ou bien les cardes. Les cardes. Oui. Les cardons. Oui. Les cardons, vous savez ce que c'est les cardons ? Oui. On enlève bien les fils, on les fait blanchir, on les fait en sauce blanche. Vous savez, en sauce blanche avec des capres aussi. Et on passe au four. Alors ça, là où je suis allée, eux, ils sont pour la tradition, ils continuent toujours, et voilà. Et en revenant de la messe du minuit, alors, bon, ben là, il y a le réveillon, alors il y a les gâteaux, il y a... Et là, il n'y a pas un repas traditionnel aussi ? Ah ben là, il y a le repas, où il y en a qui font, alors là, qui mangent, qui... Oui, ceux qui font le réveillon, qu'on dit qu'ils font le réveillon, ben ils mangent, là, ils mangent... De la volaille, ils mangent des huîtres, vous voyez, ils mangent des huîtres pour commencer. De la volaille, puis les 13 desserts, ça. Les 13 desserts, ça. Et des pâtisseries comme la pompe à l'huile, il y en avait d'autres pour manger le soir de Noël ? Non, il y avait la pompe à l'huile. Il y avait dans les 13 desserts tout ce que, vous voyez, les figues, tout, mais il n'y a pas de pâtisserie spéciale, non ? C'était la pompe. La pompe, et puis maintenant il y a la bûche alors.